Actualité. Lundi 20 juin, ici Dominique Lelièvre et les informations à CKRL. La sécurité des citoyens d'abord, les humains avant les animaux, c'est le principe qui a guidé le maire Régis Labeaume dans l'élaboration du règlement interdisant les pitbulls à Québec. Monsieur Labeaume a commenté le dossier pour une première fois depuis l'annonce jeudi dernier et depuis également les nombreuses réactions qui ont suivi. Le maire Régis Labeaume explique que sa position en est une de négociation et qu'il la souhaitait ferme afin que la sécurité des citoyens soit au centre des discussions qui animeront le groupe de réflexion constitué par le gouvernement provincial. On savait qu'il y aurait des poursuites. Ce que nous voulons, nous, à la Ville de Québec, et je pense que c'est ce que tout le monde veut, c'est qu'au gouvernement, à l'automne et durant l'été, on fasse les bonnes discussions, en mettant toutes les questions sur la table et en n'ayant absolument aucun tabou, et surtout en n'étant pas politiquement correct. Régis Labeaume se dit prêt à faire évoluer sa position sur les pitbulls à la lumière des recommandations qui seront faites à l'automne par ce groupe de travail. Il a évoqué pour la première fois la possibilité qu'il y ait des mesures transitoires pour les propriétaires actuels de chiens dangereux, mais seulement si le sentiment de sécurité des citoyens est préservé. Le seul droit acquis qui existe là-dedans, c'est le droit de la population à la sécurité. C'est le droit de la population de ne pas avoir peur des chiens dans la rue. Les mesures transitoires, nous, on est prêts à en discuter. On pense que nécessairement, au bout de l'exercice, il y aura des mesures transitoires, mais nous voulons des garanties. Est-ce que les mesures transitoires vont faire en sorte qu'il n'y aura plus de cas comme Christiane Vanney, qui est morte déchiquetée par un pitbull? C'est déjà un petit toutou, là, mais quelques-uns ne le seront pas. Il y a quelqu'un qui est mort, il n'y a pas longtemps. On sait bien qu'il y a des propriétaires des chiens qui ont des chiens pour les bonnes raisons. C'est que les gens qui sont propriétaires de pitbulls sont de qualité inégale. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez voir sur mon blog, sur ma page Facebook, puis vous allez constater que la qualité est inégale. Il y a du drôle de monde qui possède des pitbulls, puis arrêtons de nous conter des histoires. Monsieur Labeaume, donc, qui déclarait ça de manière un peu émotive ce matin en marge de l'inauguration du nouveau mémorial pour les pompiers de Québec, dont on pourra parler plus abondamment demain à l'émission du matin. Toujours sur la scène municipale maintenant, la Ville de Québec serait contrainte de verser 730 000 $ à QMI Spectacle afin d'éponger les déficits du centre Vidéotron, déficit qui totaliserait 1,4 million au cours de ses quatre premiers mois d'opération, soit de septembre à décembre 2015. C'est du moins ce qu'indique des documents obtenus par l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec. On devrait avoir plus de détails ce soir, alors que le dossier sera à l'ordre du jour du conseil municipal. Démocratie Québec accuse de son côté le maire d'avoir présenté à la population des chiffres faussés pour vendre son projet d'amphithéâtre. Le maire qui affirmait que les déficits n'excéderaient probablement pas 600 000 $ par année. Mais ce qui est un peu scandaleux, c'est que s'il y avait des profits, la ville n'en bénéficierait pas. C'est pas rentable, là. Puis c'est la ville, c'est les contribuables de Québec qui font un chèque à Québécois pour le déficit d'opération, en plus de payer pour l'amphithéâtre. Alors, c'est majeur, là. C'est très, très majeur. À Québec, on a 29 degrés présentement. La température ressentie est de 34. De retour à l'émission Midi Jazz.